La rosée n'a plus de secret, ni la couleur de son allée, la nuit terminée. Un peu fatigué sur le quai, Palais Royal, direction Roissy, une heure à peu près. Bien sûr, certains hommes lui jettent un regard. Comment pourrait-il s'avancer et ne pas la voir? Les cheveux tirés en arrière, dans son tailleur, elle est hôtesse de l'air. Professionnel, sourire éclatant, mais au fond d'elle, elle sait que c'est pas le bruit des réacteurs, même pas le passager voyou, c'est pas le commandant voyeur, mais cet avion qui l'amène, elle ne sait où. C'est pas promener dans des chariots, de la bouffe qui n'a pas l'air bonne, c'est se trouver seule tout là-haut quand elle pourrait être avec ses deux hommes. Il a 3 ans, il ne voit que son père, mais apparaît toutes les 2 semaines une étrangère. Elle l'a souvent au téléphone, quand elle raccroche, c'est dans l'espoir qu'un jour il lui pardonne. Bien sûr qu'elle pense passer à autre chose. Pour le moment, elle est jeune et belle, ce sera plus tard sa pause. Mais son avion semble ne plus lui plaire. Dans sa tristesse, elle est hôtesse de l'air. Royaume des cieux, elle est la reine. Mais elle sait bien que ce qui la gêne n'est pas le bruit des réacteurs, même pas le passager voyou, c'est pas le commandant voyeur, mais cet avion qui l'amène, elle ne sait où. C'est pas promener dans des chariots, de la bouffe qui n'a pas l'air bonne, c'est se trouver seul tout là-haut quand elle pourrait être avec ses deux hommes. Soudain dans une chambre d'hôtel, la tête pleine de belles images qui lui rappellent que son plus beau voyage c'est sa famille, qu'elle ne laissera pas gâcher par un rêve de jeune fille. De l'existence d'autres vies sans plaisir, elle choisit de ne pas pleurer pour se rendormir. Affrontant le décalage horaire, dans son sommeil, elle est hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air.